Nous arrivons. Le dernier général qui se retirait de devant ce pont arrête Hulot sous le feu pour lui dire la manière de s'y prendre, et il embarrassait le chemin. « Il ne me faut pas de conseils, mais de la place pour passer », a dit tranquillement le général en franchissant le pont en tête de sa colonne. Et puis, rang, une décharge de 30 canons sur nous. « Ah, nom d'un petit bonhomme !» s'écria l'ouvrier. « Ça a dû en faire de ces béquilles !»« Si tu avais entendu dire paisiblement ce mot-là, comme moi, petit, tu saluerais cet homme jusqu'à terre. Ce n'est pas si connu que le pont d'Arcole, c'est peut-être plus beau. Et nous sommes arrivés avec Hulot à la course dans les batteries. Honneur à ceux qui y sont restés !» fit l'officier en ôtant son chapeau. « Les Kaiserlicks ont été étourdis du coup. » Aussi l'empereur a-t-il nommé comte, le vieux que tu vois. Il nous a honorés tous dans notre chef, et ceux-ci ont eu grandement raison de le faire maréchal. « Vive le maréchal !» dit l'ouvrier. « Oh, tu peux crier, va ! Le maréchal est sourd à force d'avoir entendu le canon. » Cette anecdote peut donner la mesure du respect avec lequel les Invalides traitaient le maréchal Hulot, à qui ses opinions républicaines invariables conciliaient les sympathies populaires dans tout le quartier.